Chapitre 3. Dans la matinée du surlendemain, Élisabeth alla rendre visite à M. de Rudaine. Cette entrevue lui pesait fort. En ces 6 années, elle n'avait échangé avec lui que de rares lettres, insignifiantes de part et d'autre. Cette indifférence paternelle, le souvenir de la scène qui avait précédé la mort de l'aïeul, blessait trop profondément le cœur d'Élisabeth pour qu'elle n'éprouvât pas une pénible gêne à l'idée de revoir son père. Par Damien, qu'elle avait chargé de lui demander quand il pourrait la recevoir, il lui avait fait dire qu'il attendrait vers 11 heures dans la bibliothèque. Elle le trouva assis devant une table, occupé à écrire. Son changement physique la frappa. Cette apparence de jeunesse, longtemps conservée, n'existait plus. Il semblait las et souffrant, mais conservait néanmoins son habituelle élégance de tenue. Élisabeth s'égaya un instant, intérieurement, à voir sa stupéfaction quand il leva les yeux en l'entendant dire « Bonjour, mon père !» Il la considéra un moment, l'air perplexe, avant de murmurer « Élisabeth, tu es Élisabeth !» Se levant, il mit une main sur son épaule, la regarda encore, puis se pencha pour lui mettre un baiser au front. « Eh bien, ma fille, j'ai eu raison de t'envoyer chez ton oncle. Tu nous reviens transformée, extérieurement du moins. J'espère qu'au moral il en est de même. » « Cela dépend à quel point de vue l'on se place, mon père. Ainsi, j'ai toujours conservé l'habitude de la sincérité, l'horreur de toute hypocrisie. Ce n'est pas un mal du tout. » Il laissait retomber sa main en détournant légèrement les yeux du regard droit et fier. « Assieds-toi, raconte-moi ce que tu as fait là-bas. » Brièvement, Élisabeth lui donna un aperçu de son existence à Morton Court, lui apprit ses projets pour se faire une situation. Il l'approuva en déclarant « Tu ne pourras compter que sur ton gain, mon enfant, car je n'aurai rien à te donner et, après ma mort, il te faudra vendre mon parou, la seule chose que je te lèguerai, en admettant que je ne sois pas obligé de l'hypothéquer ou de m'en défaire d'ici là. » Vendre mon parou ? Ces mots faisaient sortir Élisabeth de son impassibilité apparente. Elle répéta, la voix chargée d'angoisse, « Vendre notre Montparou ? Oh, mon père !» Il passa sur son front une main aux veines gonflées qui tremblait un peu. « Je ne m'y résoudrai pas sans déchirement, mais je ne puis l'entretenir qu'avec les revenus de ma femme. Or, ceux-ci, par suite des événements, ont probablement diminué. » Il me faut donc envisager cette perspective pénible, peut-être pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine ? Ainsi donc, il serait possible que ce fût le dernier été passé dans le cher vieux domaine, les dernières semaines où elle pourrait errer dans le parc sauvage. Cette pensée lui fut si douloureuse que des larmes montèrent à ses yeux. À ce moment, elle revit le feu éblouissant des pierreries cachées derrière la plaque armoriée, les perles chatoyantes et les royales émeraudes du collier de la princesse hindoue. La vente de tels joyaux permettrait d'assurer l'entretien de Montparou pendant des années. Hélas, impossible d'y songer. Il faudrait les laisser là, inutiles. Cela par la faute de Judith, car sans elle, l'aïeul n'aurait sans doute point eu l'idée de les dérober aux convoitises de son fils. Accablée par cette révélation, Élisabeth regardait M. de Rudaine avec un mélange d'irritation et de pitié. Assise en face de lui, elle remarquait mieux son teint blême, les bouffissures sous les yeux, la fatigue du regard. « Vous n'êtes pas bien, mon père. Vous venez de faire un traitement thermal, m'a dit Agathe. »« Oui, mais je n'en sentirai le bien que dans quelque temps. Ici, je vais me reposer un peu. » Il s'interrompit. Sous une portière soulevée apparaissait la souple silhouette de Judith en soyeuse robe d'intérieur couleur de clair bordeaux. Elle s'avança, un sourire détendant ses lèvres, les yeux pleins d'accueillante douceur. « Chère Élisabeth, nous te revoyons enfin !» Elle tendait les deux mains à sa belle-fille qui se contenta d'y poser mollement l'une des siennes. « Rodolphe, comment la trouvez-vous ? Un peu changée, n'est-ce pas ? Il va nous falloir la marier, cette grande fille-là. » Elle n'y pense pas du tout et veut travailler. « Oui, Agathe me l'a dit, mais quand un aimable prétendant lui sera présenté, elle changera peut-être d'avis. » Elle continuait de sourire en attachant sur Élisabeth ses étranges yeux gris-verts dont le jeu habile des longs cils noirs savait si bien augmenter la séduction. Comme elle était jeune encore, avec ce teint parfait, sans une ride, qu'aucun fard ne dénaturait. « Certainement non, » dit Élisabeth d'un ton net. « Célibataire, alors, la dernière des Rudaines ?»« Des Rudaines de cette branche, oui, car par ailleurs, il y a Willibald. » « Willibald et puis Thierry. Il est gentil, notre Thierry. Qu'en dites-vous ? » ?»« Il ressemble à sa mère. » La voix d'Élisabeth se faisait mordante, presque involontairement. Comme naguère, elle devenait semblable à un jeune coq de combat devant cette femme dont elle sentait la sournoise volonté de malveillance sous la douceur menteuse du sourire et de la parole. « Oui, et c'est pourquoi il est si charmant, » dit M. de Rudaine. Mais il paraît que son père veut le conserver maintenant à Aigueblanche, comme Agathe nous l'a appris hier. C'est inconcevable. Il ne peut pourtant pas prétendre obliger une jeune femme comme elle à vivre toute l'année dans ce pays. Il ne l'y obligera pas du tout, mon ami. Tout d'abord, parce qu'il sait bien qu'Agathe ne se laisserait pas faire. Il lui suffirait de garder Thierry, qu'il voudrait avoir sous sa coupe pour l'élever à son idée. Mais cela ne se passera pas ainsi. Nous ne lui laisserons certainement pas notre enfant chéri. Cependant, légalement, il a le droit. » Judith secoua la tête. Élisabeth vit la ruse briller dans ses yeux. « Nous trouverons bien un moyen de tourner la difficulté. Mais voyez, cher enfant, quel souci apporte le mariage. Au fond, vous avez peut-être bien raison de n'en pas vouloir. » Élisabeth ne s'attarda pas davantage et prit congé après avoir dû accepter de venir dîner ce soir-là. En rentrant à la tour, elle trouva une lettre de son cousin Horace, en ce moment dans les Pyrénées. Il l'informait de son intention de venir à Montparoux dans 2 ou 3 semaines. Cette nouvelle effaça quelque peu l'impression désagréable rapportée de son entrevue avec son père et surtout sa belle-mère. Elle soupira, en pensant qu'il lui faudrait plus d'une fois encore supporter la présence de Judith. Et à la bonne Adélaïde concernée, elle apprit que, peut-être, bientôt, Montparoux n'appartiendrait plus aux Rudaines. C'était là pour elle un coup fort rude, d'autant plus qu'il était inattendu. Jamais elle n'avait songé que son père pût ne pas conserver le vieux domaine, car elle savait que Judith, tout en y séjournant guère, tenait à ce témoin du passé qui consacrait l'ancienneté, la lointaine noblesse de la famille dans laquelle son mariage l'avait fait entrer. Il fallait donc une force majeure pour qu'elle y renonçât. Catherine, qui vint la voir dans l'après-midi, la trouva tristement songeuse. Quand elle en connut la raison, elle lui dit que, depuis quelque temps, son frère craignait que M. de Rudaine ne fût obligé d'en arriver là, d'après les propos d'Agathe, au sujet de sa situation financière. « Et ce n'est malheureusement pas Willibald qui pourra le racheter, ce Montparoux. Il le ferait pourtant si volontiers. D'autant plus que les terres touchent les nôtres et elles sont fort bonnes, paraît-il. Avec une direction ferme, elles seraient d'un excellent rapport. Mais les possibilités manquent, hélas. » Élisabeth glissa un coup d'œil vers la plaque de cheminée. Voilà qu'elle se prenait à les détester, ces bijoux qui ne pouvaient même pas lui permettre de conserver Montparoux. À quoi lui servirait-il si elle ne devait pas les utiliser, du moins tant que vivrait son père? Quelques hôtes arrivèrent dès le lendemain à Montparoux. Élisabeth, en allant sortir sa voiture, en vit deux nouvelles dans le vaste garage. Au retour de Lons-le-Saunier, où elle s'était rendue avec Adélaïde, elle croisa le cabriolet d'Agathe. Près de celle-ci se tenait une élégante jeune femme qui jeta au passage un regard curieux vers Mademoiselle de Rudaine. « Tu viendras quand tu voudras, Élisabeth. Je te présenterai à nos invités, » avait dit Judith à sa belle-fille au cours du dîner de la veille. Mais Élisabeth ne se souciait guère de connaître les amis de Judith, et de prendre part à leur distraction. La société des habitants d'Aigues Blanches lui suffisait, d'autant mieux qu'Agathe passait à peu près toutes ses journées à Montparoux. Madame de Groussel, Abel et Catherine en paraissaient tout allégées. Quant à Willibald, Élisabeth le voyait moins souvent. Il avait, disait-il, beaucoup de travail à cette époque de l'année. En tout cas, sa mine était assez sombre et il reprenait son air de lointaine songerie que sa cousine ne lui voyait plus depuis son retour. Le regard d'Abel, si lumineux, le considérait parfois longuement et la physionomie du jeune infirme devenait pensive, se voilait de tristesse. On préparait à Montparoux une grande réception qui devait avoir lieu le dernier jour de juillet. D'autres hôtes étaient attendus et la comtesse envoyait des invitations aux châtelains d'alentour. Mais Élisabeth continuait de rester en dehors de tout ce mouvement. Elle n'avait plus revu Madame de Ruden ni Agathe et se croyait délivrée d'elle jusqu'à leur départ. Or, 8 jours avant la soirée, elle eut la surprise de recevoir la visite de son père. Il venait lui déclarer qu'il comptait la voir y assister. Au premier mot de refus, il dit péremptoirement « J'y tiens, Élisabeth, il ne convient pas que tu te mettes ainsi à l'écart. As-tu une toilette pour la circonstance ?»« Oui, celle qui m'a servi l'hiver dernier pour les réceptions où j'assistais avec ma cousine. Mais vraiment, mon père, je ne vois pas l'utilité. » »« Je la vois, moi. Il me serait désagréable que l'on te croie traité en cendrillon, laissé de côté par une marâtre et un père barbare. » « Ah, c'est donc cela !» dit Élisabeth avec un sourire d'ironie. Elle regardait son père, assis en face d'elle, près de la fenêtre. Il avait pris un air d'autorité que démentait si bien la faiblesse de sa bouche. Un faible, oui, un fantoche, entre les mains de Judith. « Je veux que tu assistes à cette soirée, Élisabeth. »« Soit, si cela doit vous contenter, mon père. »« Bien, maintenant, autre chose. J'ai reçu ce matin un mot de maître Bernardin, à qui j'avais écrit au sujet des comptes de tutelle. Il nous attend demain à 10 heures. Le plus simple sera que tu m'emmènes dans ta voiture. »« Certainement. » « Puisque vous êtes là, mon père, je vous demande l'autorisation de loger mon cousin Horace dans la chambre de grand-mère. »« Je n'y vois pas d'inconvénient, mais il trouvera l'installation bien antique. »« Peu importe, je lui ai fait une description si enthousiaste de notre vieux château qu'il sera charmé d'y loger. »« Il ne le verra peut-être pas du même œil que toi, ma fille. » Monsieur de Ruden souriait en regardant Élisabeth avec une certaine complaisance, mêlée d'un soupçon d'émotion. « Tu es une Ruden et non pas seulement de nom. C'est étonnant comme tu me rappelles ma tante Marguerite, la jeune sœur de mon père, qui est morte à 30 ans. » Il se leva en jetant un coup d'œil autour de lui. « Tu n'es pas mal installé, mais ce n'est pas très gai, cette chambre dans cette tour. Tu aurais pu... » Il s'interrompit. Son regard venait de tomber sur le portrait de sa première femme. Élisabeth vit sa bouche trembler. Il détourna les yeux, les laissa un instant errer autour de la chambre. Puis il reprit « Tu aurais pu te loger au Château-Neuf, tout au moins lorsque nos hôtes n'y seront plus. » « Je me trouve très bien ici, mon père. D'ailleurs, j'y suis demeuré des années. Je puis y rester maintenant quelques mois. » « À ta guise, ma fille, je vois que tu as toujours tendance à l'esprit de contradiction. Surveille-toi sur ce point, je te le conseille. » Bon, un petit coup de patte de Judith par procuration, pensa Élisabeth avec une amertume mêlée d'ironie. Monsieur de Ruden se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis demanda, en levant la main vers le plafond, « Ta tante est assez sérieusement souffrante, paraît-il. » « Oui, Florestine m'a dit qu'elle a de la congestion pulmonaire. Le docteur ordonne beaucoup de précautions, mais il est très difficile de les lui faire observer, particulièrement pour ses sorties du soir. Pauvre Calixte, quelle existence! Son cerveau est atteint, je le crains. Elle avait toujours été de caractère assez difficile, assez fantasque. Nous l'attribuions en partie à son infirmité, qui était pour elle une cause de grande souffrance morale. « Puis je soupçonne... » Il s'interrompit, hocha la tête et reprit. « Je soupçonne qu'elle a éprouvé une forte déception sentimentale. Un de mes amis, Hubert de Riancé, venait fréquemment chez nous. C'était un garçon charmant à tout point de vue. Calix, d'intelligence très brillante, d'esprit original, avait avec lui de longues conversations. Il admirait au point de vue intellectuel, il se plaisait à ses entretiens. La beauté de ce visage, dont le charme était si particulier... Il s'interrompit, les yeux fixés sur Élisabeth, qui l'écoutait avec une vive attention, hésita un instant, puis continua. Cette beauté ne le laissait pas non plus indifférent. Il me le dit un jour dans une lettre qu'il m'écrivit pendant un séjour dans le Midi, et il ajoutait « Quel dommage que son pauvre corps soit si terriblement déformé. Sans cela, mon cher, je demanderais aussitôt sa main à Madame de Rudaine. » Peu de temps après, Calix, dont l'humeur devenait très sombre, se mit à passer presque toutes ses journées dans cette tour, où elle finit par demeurer complètement. Comme, à cette époque, Riancé venait de se fiancer à une jeune Parisienne, nous pensâmes que la retraite de ma sœur avait quelque rapport avec cet événement. « C'est fort possible, pauvre tante !» dit Élisabeth avec compassion. Quand son père fut sorti, elle resta un moment immobile, les yeux tournés vers le cadre où souriait Daphné. Qu'avait éprouvé tout à l'heure M. de Rudaine quand son regard était tombé sur le portrait de sa première femme? Cette émotion, qui n'avait pas échappé à Élisabeth, était-ce du remords? Du remords d'avoir trahi autrefois la confiance de Daphné, brisé son amour, en se laissant prendre au filet de Judith? Car la réflexion, certaine réticence d'Adélaïde, un mot échappé à Madame de Groussels, amenait peu à peu Élisabeth à soupçonner que Madame de Combron avait mis la désunion dans le ménage de ses parents.